La suite, 21h11 et 30 secondes à la pendule de Radio Béton. Retour au micro de l'ami Thibaut pour le deuxième focus de l'émission de ce soir. Et oui, rebonsoir à toutes et à tous. Un second focus qui va, on va dire, le thème de la soirée au niveau des focus, visiblement, c'est la Touraine, parce qu'on va rester du côté de la ville de Tours pour aller suivre nos pirates préférés de Totterfish qui sortent là leur deuxième album. Autant prévenir tout de suite, le niveau d'objectivité de cette chronique sera zéro. Ras des pâquerettes. Non, c'est voilà, ça aura des pâquerettes. Ça, déjà, les focus n'ont jamais eu pour objectif d'être objectif. C'est quand même pas terrible comme phrase. Mais d'autant plus, voilà, c'est des copains, on les connaît personnellement, c'est des humains qu'on apprécie énormément. Et du coup, ils nous sortent en plus un album d'une qualité assez remarquable, donc autant en parler. Une formation en 2010, un groupe qui nous propose du folk mélodès, pour faire assez simple d'un point de vue stylistique, sur le thème de la piraterie. Ils ont sorti en 2015 un premier EP, Blood, Rum and Piracy, un nom très très original pour un album de pirate metal, mais au moins on sait à quoi s'en tenir dedans. Une première sortie réussie, un enregistrement qui reste assez amateur, mais bon voilà, leur premier EP, on est en 2015, ils viennent de se former et de se constituer réellement en tant que groupe, mais ça va être le début de la narration et de l'histoire du bateau le Totterfish et de son équipage. Enchaîné avec un EP également en 2016, Bottoms Up Treasure, un album acoustique, j'y trouve pas mon compte, clairement pas. Ils vont reprendre voilà, dedans quelques morceaux de leur premier EP en version acoustique et quelques morceaux originaux également. Bon, voilà, moi, pas ma cam, donc je ne m'arrête pas dessus plus que ça. En 2017, Yemaya, un album réussi. Je vais être honnête et je ne l'ai jamais caché aux membres du groupe, donc il est hors de question que je le cache à la radio également. J'ai jamais été très très fan de ce que Totterfish a pu proposer, c'est pas un style qui me parle. J'ai toujours admiré leur travail et tout ce qu'ils ont fait autour de leur projet, toujours soutenu leur travail également, mais voilà, le groupe ne m'avait jusqu'ici pas tant parlé que ça. Et Yemaha, c'est un album qui est réussi, que je suis sûr plaira aux amateurs du style. C'est, je pense qu'en France, ça fait partie des meilleurs albums qu'on ait en termes de folk, vraiment purement folk mélodès. En France, on n'a pas eu grand-chose d'équivalent, mais j'y trouve pas forcément mon compte. Cependant, on est quand même, pour se situer un petit peu, on est très très loin de cette ambiance de pirate metal avec des canards en caoutchouc sur la scène. Comme j'ai pu voir... Comme j'ai pu voir cet été sur certains groupes, on ne s'arrêtera pas dessus. Il y a quelque chose qui se dégage, qui est très sombre. Ça reste de la piraterie qui est épique, romancée. C'est pas historique du tout ce qu'ils proposent, mais ça fonctionne bien ce qu'ils proposaient déjà sur cet album. Mais on arrive en 2023, 6 ans plus tard, et cet album Aspidocelon, on a eu un long débat là-dessus récemment. Qui est le fruit de 6 ans de travail et c'est bluffant de qualité ce qu'il nous propose là, en termes, ne serait-ce qu'en termes de gap de qualité qu'il y a avec l'album précédent. Visuellement déjà, la pochette elle est signée de la main de Julien Boer et elle est splendide, leur pochette. Là, il y a un travail qui a été fait qui est assez monstrueux. Faut savoir que l'Aspidocelon ou Aspidocelon est une créature mythologique qui se fait passer pour une île et on retrouve ça, donc c'est soit une tortue c'est un monstre marin, une tortue ou un gros poisson qui se fait passer pour une île et on retrouve ça dans la pochette de manière très très bien dessinée avec un aspect quasi Lovecraftien, en tout cas dans le livret où on voit cette créature avec des tentacules en dessous et tout, c'est vraiment très très bien pensé. Et musicalement il y a un travail monstrueux au niveau des orchestrations. Ça te saisit, mais alors dès l'intro, tu prends les orchestrations, toute la puissance du travail qui a été réalisé sur cet album. Et voilà, les orchestrations, la composition dans sa globalité, qui est au service de la narration, de l'histoire qui nous est contée de cet équipage de pirates qui va vivre des aventures épiques, dramatiques. Et voilà, et on ressent tout ça à travers la musique, et je trouve que c'est là où est une des grandes réussites de cet album, c'est d'arriver... C'était déjà le cas avec le précédent, mais là, avec toute la puissance musicale qui a apporté, il y a une histoire qui nous est contée. Chaque morceau, chaque partie de l'album a une identité très très forte. Chaque morceau, en fait, on sent tantôt une inspiration, parce que bon, Totor a toujours eu un petit peu une vague black metal dans ce qu'il proposait. Il y a toujours eu derrière, de toute façon, certains des membres du groupe sont quand même des amateurs de black metal derrière. Voilà, en fait, c'est vraiment la différence avec plein d'autres groupes de pirate metal, c'est qu'on n'est pas sur du folklore metal pirate. On est vraiment sur... et ça, le groupe l'a vraiment identifié dès l'album de 2017, et depuis, ils sont vraiment à fond dedans. Et là, pour moi, c'est vraiment effectivement un cap magnifique qu'ils ont franchi avec ce nouvel effort studio longue durée. C'est pas non plus l'occultisme du pirate metal, mais vraiment les parties les plus sombres de l'état d'esprit de la piraterie et toutes les légendes obscures de la piraterie sur fond de métal extrême, rehaussé d'arrangements et d'éléments folkloriques. Ouais. Il y a des morceaux qui sont un peu plus festifs, mais ça reste ultra sombre dans l'ensemble. Complètement. Et ça transparaît vraiment très très bien. En fait, tu sens qu'il y a de l'enjeu dans ce qui t'est raconté. Il y a un enjeu, il y a quelque chose de dramatique. Il y a une forme d'oppression tout au long de l'album par rapport à ça. Ah ouais, complètement. Et voilà, c'est un travail qui m'a... Ouais, là j'ai enfin trouvé mon compte dans le travers de Totorfish, là où ils ont jamais renié leur travail et tout ce qu'ils proposaient. Mais là j'y trouve enfin mon compte parce que il y a cette dimension puissante, dramatique, mélodique qui apparaît, qui était déjà là, mais la mélodie, mais là il y a quelque chose d'encore plus grandiose qui apparaît, et c'est là où je trouve que cet album c'est la consécration de 6 ans de travail. Qui est vraiment une réussite dans ce qu'il propose. Et c'est le premier album avec Tanky, leur nouveau guitariste, qui vient de temps en temps te claquer un solo de guitare. Tu sais pas d'où ça vient, tu le prends dans les dents, tu fais waouh, ça te souffle d'un seul coup. Qui est assez virtuose à la guitare, hein, on va pas se mentir. Tanky est très très bon dans ce qu'il propose dans Totorfish. Il vient de clôturer une tournée avec Saor. En tant que guitariste session live, ouais. Exactement. Voilà, donc un très bon album, un très beau travail de Tanguy également sur cet album. C'est une réalisation aboutie, réfléchie, ça a pris le temps de mûrir, on voit que tout a gagné en cohérence. L'album, il est cohérent du début à la fin. Il y a un début, il y a une fin qui sont bien marquées. T'as un dernier morceau qui est 100% instrumental, qui fonctionne royalement pour terminer l'album. Et... voilà, tout est dit, quoi. Il y a un travail monstrueux et bravo les Totorfish, vous avez géré. Un travail ambitieux, chargé en réussite. L'album est long, hein, 55 ouais. Minutes. Les morceaux sont très généreux, plus de 5 minutes pour la plupart. On a un titre d'ouverture de 7 minutes. Coucou Rammstein. On a un titre de clôture, 7 minutes, instrumental. Ouais. C'est hyper ambitieux et l'album est vraiment à hauteur de leurs ambitions en termes de réussite. On leur souhaite de continuer vraiment sur cette réussite le plus longtemps possible. J'ai pas eu le temps d'écouter l'album dans son intégralité, mais j'ai été très très très enthousiaste sur les écoutes des deux premiers morceaux qu'ils ont mis à disposition. Très différents l'un de l'autre et très efficaces quoi qu'il en soit. Tu as choisi pour illustrer ce focus le morceau Abyssal Beast. Voilà, qui est le morceau de bascule dans l'album. Ouais. Écoutez-le, vous comprendrez rapidement pourquoi. Totorfish, Aspidochelon, l'album est sorti tout récemment. Il est très très bon, c'est des copains, on les aime, continuez comme ça. Et on s'écoute le titre Abyssal Beast. Et voilà pour illustrer donc ce petit focus de Totterfish. Ah, tu auras peut-être un petit mot à dire pour l'ouverture de la doublette suivante. Doublette dans l'aspect français que vient d'ouvrir Totterfish, puisque nous allons diffuser un premier extrait du nouvel effort studio de Bluthouse Nord. Oui, et bah figure-toi que c'est un groupe que je connais très très mal, étonnamment. Voilà. Tu sors, tu prends 5 minutes de pénalité au coin. J'avais, c'était comment, Hallucigenia, je crois, l'album précédent ou l'album précédent. Précédent. Que j'avais trouvé vraiment énorme. Après, c'est un groupe qui commence à avoir une discographie un peu marquée et j'ai pas pris le temps plus de gratter que ça parce que je suis plutôt de la team Despel Omega que Bluthouse Nord. Donc voilà. Tu prends 5 minutes histoire de bien cliver les discussions. Non, mais voilà, j'ai survolé un peu l'album. Ça a l'air d'être ultra qualitatif, encore une fois, mais ça fait partie des groupes où je pense qu'il faut se cogner parce qu'ils fonctionnent un peu en trilogie dans ce qu'ils proposent. Et je pense qu'il faut se cogner des trilogies en entière à chaque fois pour vraiment apprécier le travail de ce groupe. Et j'ai pas pris le temps. Voilà. Eh ben, on se passera de toi. Donc, deuxième chapitre de la nouvelle trilogie Disharmonium. En 2022, très très prolifique, hein, le groupe depuis toujours, hein, depuis 1995 et la sortie du premier effort studio. Les Normands de Bluthouse Nord nous sortent donc la Nahab, la suite de Undreamable Abysses. Voilà, deuxième chapitre de la trilogie Disharmonium. 43 minutes de Bluthouse Nord, une sortie d'Ebemir Morty, parce que bon, ça reste du black avant-gardiste, extrêmement riche. Bluthouse Nord fait du Bluthouse Nord, hein, ils ont leur propre style de black metal. En doublette avec Bluthouse Nord, les Poitevins de Manzer, le groupe de trash black, Pictavian Trash Black, qui sort son troisième effort studio, Impious Invocation of Abalos. Ce nouvel effort studio est déjà disponible sur le label de Chuck Zul, bien sûr, le batteur-chanteur de Manzer, Armée de la Mort Records. On s'écoutera le titre Donkey Punch Defiler, Donkey Punch, d'ailleurs pas Punch, n'importe quoi, Defiler, The Black Vortex juste avant ça pour Bluthouse Nord. Monkey Punch Death Pilot. Doublette suivante. C'était pour voir s'ils suivaient. Non, pas du tout la doublette suivante. Non, pas du tout. Mais pourquoi pas la doublette suivante? Parce qu'on va se faire des petites annonces de concerts. Ouh, il y en a. C'est comme si c'était préparé à l'avance, dis donc. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Du coup, premier concert à venir lundi, donc pas là, lundi, le lundi suivant, 9 octobre, pour un concert de hardcore de hardcore signé Something for the Youth. C'est fini, oui. Qui sera au Canadian. On aura Faced Out. Je te laisse présenter les groupes. Formation espagnole de hardcore bien vénère. Hein. Au début du mois de septembre, Something for Youth nous a offert Rao Brigade. Faced Out, on est sur du hardcore hispanique qu'on n'a pas l'habitude du coup de voir. Ouais, qui sonne quand même vachement belge. Dans l'approche. Dans l'approche, qui sonne quand même vachement belge, mais ouais, carrément. Mais dans les lointaines conquêtes espagnoles, ils sont allés, hein, on parlait bien de la Hollande espagnole. Hein, très bon. Bien. Les Pays-Bas espagnols, pardon. C'est bon pour le cours d'histoire? Oui, à fini. Du coup, Outwall qui seront avec eux. Comment le groupe? Outwall. Outwall, oui, et pas Outwall, oh là là. Oh là là. Oh. Donc ça, c'est une toute récente formation nantaise. Malheureusement, on n'a pas encore de son à s'écouter. On est sur du hardcore death qui se veut inspiré par le gros renouveau de la scène américaine avec les Creeping Fear et autres 2000 Stab Wounds, où on est vraiment sur du gros death qui moche. Ouais, complètement. Du coup, ce sera le 9 octobre au Canada. 5 balles, 19h30, 5 20h, balles, un truc 10, comme ça. Voilà, ouverture des portes 19h30, ça commence à taper à 20h30. Le canard, vous savez. Voilà. Voilà. On enchaîne le 17 octobre, le mardi donc, de la semaine suivante, pour une soirée catharsis, sous le signe du Satan. Du Satan. Tout à fait, on a Spiter, un groupe de black metal punk qui nous vient des États-Unis. De Philadelphie, pour être exact. Est-ce que tu connais un petit peu? Comme tout Brésil. Comme tout Brésil. Voilà, on est vraiment sur le. Ah oui. Le, ce qu'il y a de bah, encore une fois, hein, de plus pur à la sauce Elhammer l'année dernière, hein, du speed black, du speed trash, trash black, true heavy metal. Voilà, c'est assez intéressant d'avoir un groupe ricain en la matière. Ouais. Parce que c'est effectivement plus Amérique latine, Asie du Sud-Est, Europe orientale centrale. Voilà. Et d'ailleurs, ils seront accompagnés avec, hein, avec Satan Worship. Ah bah tiens. Et ça nous vient du Brésil, plus ou moins allemand. Voilà. Également. Bon, alors pareil, on peut faire un petit cours d'histoire sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non, on arrête. Le nazisme, le Brésil, l'Argentine. Un groupe formé en 2011, donc, qui nous propose du black trash brésilien à la sauce allemande. Ouh. Voilà, il y aura des ou, ce sera parfait. Que dire de plus, Canadian, 19h. Pardon ? Grave culte. Il passe à trois groupes sur cette soirée. Ah, bah j'ai pas l'info sur leur. Me semble-t-il que sur l'event, c'est cette soirée-là où il passe à trois groupes. On a Grave Cult. Grave Cult, tout à fait. Voilà, pareil, Speed Trash, Trash Black, Punk. Ça nous vient de Région Nantaise. Ils sont sur le label Frozen Record. Une soirée True Evil. Et voilà, les très très très très bonnes recettes signées Tonton et Tata Catharsis. Ouais. C'est true, ça va être speed, ça va être rock et ça va être ultra chic. Et ce sera toujours 5 balles. 5 balles à l'entrée, mais prix conseillé à 8 balles pour exactement pouvoir financer la soirée. C'est un fonctionnement Catharsis fait depuis quelques dates. Exactement. Venez, si vous n'avez pas les moyens, vous payez 5 balles, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez payer le juste prix pour la soirée, sachez que c'est plutôt autour des 8 euros. Et après, au-delà, les petits dons sont toujours appréciés. Et ce n'est pas pour aller se taper des vacances au bout du monde. Hein. C'est vraiment pour sécuriser la venue des groupes et que des groupes continuent à venir, des groupes qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous, que Catharsis prend concert après concert le risque d'inviter. Et merci au Canada d'accepter la continuité du déroulement de ces soirées. Parce qu'il y en a d'autres. Tout à fait. Et bien, il y en a d'autres en plus. Retour avec Something for the Yos pour une soirée au Canadian. On pourrait presque croire qu'ils se reniflent le cul mutuellement, ouais, Something for the Yos et Catharsis. Il y aurait presque un lien entre les deux associations. Étonnamment. Cauldron et Guibosh. Kibosh. Je te laisse présenter parce que c'est la scène que tu connais. Alors mieux Cauldron, c'est anglais. C'est le metalcore vénère. Voilà, on est entre le metalcore et le deathcore, le hardcore. C'est ce petit melting pot. Voilà, Cauldron, c'est récent. C'est très en vogue et c'est pareil, complètement improbable de les voir au Cana en Touraine, mais c'est ok, donc faut carrément y aller. Et Kibosh, ça fait partie pareil de cette scène très récente qui défonce bien en termes de hardcore. Pour le coup, c'est une formation française, ouais, bordelaise, pour voilà. Et voilà, effectivement, ça permet de voir qu'il n'y a pas que Paris et le hardcore, il y a d'autres destinations à creuser. Et pour le coup, voilà, avec Kibosh, Bordeaux répond bien présent. Ouais, très bien. Kibosh que l'on diffuse, ou que l'on diffusera, ou que l'on a diffusé, je ne sais plus. Que l'on bientôt diffusera. Tout à fait. 5 euros, Canadian, 19h30, 20h30, début des concerts. Venez, ça va être cool. Et on quitte le Canadian pour une soirée Catharsis tout de même, mais dehors du Canadian, on aura le 26 octobre Dolch qui va jouer au Temps Machine, donc à jouer les tours. Dolch, c'est un groupe qui nous fait du doom post tout. Tu me fais beaucoup rire. Ça mélange des influences de pop, de musique ambiante, du doom, du post-metal. Enfin, c'est vraiment un melting pot de plein de choses. C'est très très riche musicalement. C'est saisissant sur album en tout cas. Je les découvrirai en live pour la première fois. Ils seront accompagnés de un groupe avec un nom allemand que je vais avoir du mal à prononcer, je m'en excuse. Lance-toi dans le mur. Isolation Gemeinschaft. Très bien. Je connais pas, visiblement c'est de la cold wave post-punk, donc ça va parfaitement coller dans l'ambiance de la soirée. Et il y aura le groupe de Doom Sludge Blood qui a été formé par des ex Regarde les hommes tombés, actuels Otargos. Voilà, c'est du sludge, j'ai pas plus écouté que ça. Apparemment, c'est bien bien massif, bien bien lourd comme il faut. Et ce sera donc autant machine, 5 euros pour les abonnés, 7 en tarif réduit, 10 en prévente, 12 sur place. Voilà, ça va jouer au club et c'est l'officieuse réannonce de la venue de Dolch qui aurait dû venir il y a quelques temps déjà au Red Club à Rochecorbon et ça avait été annulé, je ne sais plus. Je crois que c'est Dolch qui avait juste annulé sa tournée. Il me semble, ouais, c'est ça. Une connerie du genre. Mm-hmm. Donc voilà, les revoir dans de très bonnes conditions encore. Jeudi 26 octobre, 19h30. Allez, retour à la doublette française avec de la Yolance, Gorrupted tout d'abord. Du Mortician Worship, un petit one-man band mené par Rémi, et c'est vraiment ultra coolos ce que nous fait Gorrupted. J'avais adoré le premier EP Ox and Flesh. Il sort là son premier véritable album intitulé Gorrupted. On est vraiment sur du Mortician-like, hein, une basse et une gratte de tronçonneuse. Un chant ultra dégueulasse, une batterie qui tabasse avec une disto globale monstrueuse. C'est une autoprod, d'ailleurs, l'ami Rémi cherche un label pour sortir cet album en cassette ou d'autres versions physiques intéressantes. On s'écoutera le titre Hope. Broken Ankles, ensuite du gros beatdown américain qui nous vient du nord de la France. Un petit quintet de très jeunots. Le moins jeunot, c'est le bassiste hein, Franco, qui est également bassiste chez Sick Nerves. Broken Ankles à suivre de très très près, on les aura très prochainement en Touraine. Voilà, au passage, le premier EP sort chez Death Farm Records, excusez du peu, Learn in Pain, et on écoutera le morceau Turned Back. C'est parti, Gorrupted, Broken Ankles. We'll be right back. Voilà, c'était la clôture de l'aspect française avec retour aux petites annonces de concert. Ouais, retour des petites annonces de concert, on va déjà... Qu'est-ce qu'on fait ? On présente le concert déjà ? Oui ? Non, on parle d'hier. On parle d'hier, voilà, d'abord. Pourquoi tu dis n'importe quoi tout le temps, hein ? On va expliquer pourquoi tu dis n'importe quoi tout le temps ce soir, particulièrement. Oui, parce que je suis fatigué, parce que hier on était au Muscadès. Et qu'on est fatigué, du Muscadès d'hier. Le Muscadès d'hier, qui est fatigant. on a passé une bonne soirée encore hier au Muscadès pour la énième année de suite. Oui. On a vu des groupes vachement cool. On se fait un petit top des concerts. Mais on va se faire une remontée dans l'ordre, hein, parce que autant l'année dernière, effectivement, on avait fait les deux soirs, la soirée Black, la soirée Death. Pour des raisons de logistique, on a pu faire que la soirée Death cette année, même s'il y avait un petit peu de Death le vendredi soir. Nous sommes arrivés en ayant bien raté les deux premiers groupes, hein, la faute à une logistique de départ un peu hasardeuse. Et nous sommes arrivés juste à 5 minutes avant le démarrage de Escuela Grind. Ouais, et c'était bien bien cool. Belle découverte sur scène, c'était... Sans être, à mon sens, la claque de l'année, c'est un groupe qu'il va falloir surveiller de bien bien près dans ce qu'il propose. Il y avait vraiment une belle tenue de scène de la chanteuse qui était assez remarquable là-dessus. Et ça cognait bien, c'était bien bien cool. Moi, j'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment. Escuela Grind, c'est un groupe qu'on voit de plus en plus sur un peu toutes sortes d'affiches. Hein. Les premiers à nous les avoir amenés en France, c'était Napalm Death, c'était pas plus tard que le début de cette année. Il me semble qu'on a diffusé aussi leur prod studio récente. Escuela Grind s'apprête à franchir un putain de record historique en alignant le plus de dates sur une année calendaire. Et ils atteignent très prochainement, ou ils ont déjà atteint les 200 dates sur une année civile, ce qui est absolument monstrueux. Et donc voilà, on a eu la chance de les voir hier soir, histoire de faire grincer les dents à Escuela Grind pour les décrire. Donc c'est des ricains. C'est le grindcore à la sauce Nezum, donc du metalcore bien énervé. Ouais, complètement. Parce qu'on n'est pas exactement sur un riffing grindcore, on est sur un riffing très, très deathcore avec une grosse base. Grindcore, donc vraiment le metalcore le plus vénère qui soit. C'est vraiment juste pour agacer, hein, du metalcore HM2, pour ainsi dire, avec une énorme vibe hardcore avec des putains de breakdowns. Ouais, des fois, t'avais vraiment envie de cogner ton voisin. Hein, voilà, avec le sourire. Et les lignes de chant ultra vénère de la vocaliste et une énergie absolument incroyable. Alors que, comme disait, c'était la dernière date là, de la tournée. Ils repartent très prochainement pour un mois, alors qu'ils reviennent d'un mois de tournée. Et donc, effectivement, dans le top 10 historique des artistes, on retrouve ceux qui ont fait le plus de concerts en 365 jours. On a un cover band de ABBA, on a un cover band des Bee Gees, on a The Wiggles, on a après des artistes que je ne connais pas, on a le Cirque du Soleil, et en 7e position, on a Escuela Grind, qui a dépassé les 180 concerts, et nous ne sommes que le 1er octobre, et donc ils ont encore un mois de tournée à venir, et ils annoncent déjà des dates, à tour de bras, et c'est vraiment du néo-grindcore, un peu hardcore, ultra vénère, et beaucoup beaucoup de monde était là pour voir la nouvelle sensation sur scène. Ouais, on n'a clairement pas été déçus. Et première fois qu'on écoute du Headbreed au Muscadès, qu'ils ont clôturé avec une cover de Headbreed. Voilà. Ouais. Non, c'était bien cool. Une belle découverte. Pour moi, une belle découverte sur scène. Là, c'était vraiment chouette. Tout à fait. À continuer de suivre de près. Passage à du Death lourdo crado ensuite. Ouais, c'était cradin. Ouais, Skeletal. C'était... C'était gras. Voilà, les Lillois qui nous font du très très bon putrid death, hein, qu'on peut rapprocher d'un Necro Wretch en moins evil, va dire, mais en au moins aussi crado. Après Skeletal, ça a été la petite fessée. Voilà. Là, on a pris une belle belle leçon de death metal, le grand retour. Non. Pas du tout, c'était une belle fessée, c'était une belle leçon de grindcore. C'était Blockhead, c'est vrai, c'était Blockhead, j'avais zappé, je ne savais plus dans quel ordre ils avaient joué. Du coup, oui, Blockhead qui a encore une fois, on les avait vus encore en Lunch and Grind, la dernière année de Lunch and Grind. Oui, en 2019. Donc en 2019, ils nous avaient déjà bien retourné le cerveau, et là ils étaient en forme, c'était cool. J'en garde un meilleur souvenir personnellement au Lunch and Grind, qui était peut-être dans un contexte plus adapté pour profiter de ça, mais là c'était bien bien cool. belle réaction du public, c'était voilà, conforme à ce que j'attendais quand même en termes de qualité. Voilà, 30 ans au service du grindcore, tout comme Inhumate, voilà, le Grand Est et le grindcore, une longue histoire d'amour. On avait vu l'année dernière, là-bas. Inhumate. Oui, Inhumate, place, c'est exactement, qu'on a vu également fêter démarrer sa tournée des 30 ans l'année dernière. Au Muscadès. Donc voilà, Blockheads, encore une prestation haute en couleurs. Et le petit bonus, ça a été la découverte d'un nouveau morceau, pardon. Donc peut-être d'ici peu, un successeur à Call to the Void, le dernier album, qui pourtant a vu un très très grand écart entre le précédent et Call to the Void. On a eu ensuite le retour tant attendu, un peu tremblant, un peu fiévreux, un peu on a envie, un peu on a peur, des Brutos. De Chronos. Et oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas été déçus ? On a été putain de servi. On a été putain de servi. On a pris une branlée pendant 45 minutes. Petite mise en place de deux morceaux, l'histoire de retrouver ses marques sur scène et que les potards soient un peu égalisés, que tout soit nickel. Mmh. Que tout le monde retrouve sa place, parce que pour certains, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds sur les planches. Voilà, ça faisait du coup depuis 2009 qu'ils n'avaient pas joué tous ensemble. Chronos s'est arrêté il y a quelques années, mais le line-up ne ressemblait pas du tout à celui qu'on a vu hier soir, hein, puisque là, c'était avec le line-up d'origine, les cinq Zikos qui ont enregistré Colossal Titan's Rife et qui, du coup, voilà, se retrouvaient sur scène ensemble 20 ans après. Et c'était du coup vraiment le premier concert de mise en marche de cette tournée. Ouais. Et bah, premier concert de la reprise, quoi. Donc un Colossal Titan's Rife joué en intégralité avec un petit bonus, le tubissime Mashkit. Voilà, en clôture de cette Mashkit qui est bien sûr le tube du tout premier album. Chronos, qu'on a grand hâte de revoir. Oui, clairement. Très bientôt. Très bientôt. C'est maintenant où on fait la petite présentation. C'est maintenant où on fait la petite... Ah, chut, la là, glissade. C'est comme si c'était tout était prévu. Nous sachons. Donc, nos chers amis de Chronos viendront sur une petite soirée. Dis donc, le thème de ce soir, c'est la scène Tourangelle. Hein. Wow. Pour une petite soirée donc autour, elle existe. Autour de la scène Tourangelle, car Chronos viendra nous faire un petit coucou le samedi 4 novembre. Ils seront accompagnés des locaux de Dragvald. Donc le groupe qui nous fait du folk melodes également, qui commence à avoir quelques années au compteur, hein, parce que ça, la formation de Dragvald c'est de 2010. Voilà, on a hâte de les revoir parce qu'ils vont défendre localement leur dernier album. La dernière fois qu'on les a vus dans le coin, c'était dans le cadre de leur release au tout début de cette année. Ils avaient joué, oui, c'est vrai, j'avais pas pu y aller. Au bateau ivre, c'est ça. Alors, tout début de cette année ou toute fin de l'année dernière, je ne sais plus. Ouais, c'était dans ces. C'était ou en décembre l'année dernière ou en janvier de cette année. J'ai un gros doute sur la période, voilà. Avec eux, Aurora, donc AO, pareil, les locaux. A-t-on besoin de réellement les présenter ? Ils nous font du moderne metal, on va dire, avec des influences death. Dans ce qu'ils proposent quand même un petit peu. À la croisée entre, vulgairement, Gojira, Meshuga et Lamb of God. Voilà, tout à fait. C'est très très riche. Ils ont une virtuosité qui est indéniable sur scène. Voilà, AO, venez les voir, ce sera cool. Derrière, on aura les Loustics de Scumbags, qui nous font du death metal dans sa généralité. Entendu parler. T'as jamais entendu parler, jamais. Parce que... Là, tu me forces à te présenter mal. Oh oui. Voilà, du death metal moderne dans ce que vous proposez. Alors, pas du tout, mais oui. Pas du tout, mais oui. Non, pas du tout. Pas du tout moderne. Pas du tout. C'est vilain de dire ça. Putain, ça se veut death old school avec du slam et du hardcore dedans. Uh-huh. C'est pas du tout moderne. Je sais pas, embrace l'ancienneté et reject le modernisme. Très bien. S'il te plaît. C'est parfait. Et Slave One qui seront avec vous également. Voilà, et forcez-vous vraiment à arriver de bonne heure parce que putain, Slave One, c'est des Orléanais. Alors, tant pis pour eux. Mais leur death Lovecraftien, il est vraiment ultra cool. Vraiment. Et on les a déjà diffusés, Slave One, et vraiment, faut venir de bonne heure pour cette date-là. Ouais, toute jeune signature d'Olorem. Exactement. Donc voilà, ce sera donc au 37e parallèle à Tournord. Ce sera 14€ pour les préventes, 16€ pour le tarif soutien au groupe pour ceux qui veulent participer un petit peu plus et un petit 18€ pour le sur place. Voilà, voilà, le samedi 4 novembre, 37e parallèle dans la zone de Tournord, 5 groupes pour 15 balles. Viens, on sera bien. Et puis, Chronos, oui, Voilà, tout simplement. Oui, ça va le reste n'est que fioriture autour. Et pour clôturer le petit report du Muscadès hier, on a un peu fait l'impasse sur Gorod. J'adorais au tout départ, je ne m'y retrouve plus trop depuis quelques albums. Donc voilà, on a fait l'impasse sur le set de Chronos. Et on est arrivé sur la deuxième partie du set de Blood Dress Throne. Et c'est vraiment à l'image de ce qu'il propose sur album. Ça va à petite dose et rapidement c'est chiant. Il y a des trucs super, mais ça ne prend putain de pas. Et le nouveau chanteur avait une attitude absolument détestable à mon goût. Switch. Et on est revenu pour Carcass qui a vraiment peiné à convaincre. Une setlist trop axée sur les dernières sorties alors qu'on aurait voulu un peu plus de tubes. Voilà, un set en pilotage automatique. Un peu décevant, je dois bien l'avouer, même si les anciens titres sont toujours aussi mortels, à n'en pas douter. On va se faire une petite écoute plaisir avec un titre extrait, bien évidemment, de Colossal Titan Strife de Chronos, que l'on trouvera le 4 novembre à Tours. Viendez et on s'écoute le tubesque Oplomac. Good. Doublette suivante, 22h05 à la pendule de Radio Béton. On est à, bah, à la fin, au dernier quart d'heure de l'émission de ce soir. On va s'écouter un titre, bah, de toute façon une doublette de nouveautés, hein, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, et plus précisément du nord de l'Atlantique, puisque une doublette québéco-canadienne, avec tout d'abord Tomb Mold, qui nous vient de Toronto, au Canada. On est sur du death bien baveux, bien dégoulinant, à la sauce d'inspiration même Blood Incantation. Tomb Mold, voilà, on est sur du Worship Lovecraft Death Metal, bien horrifique, bien satanique également. Vous voyez la pochette de l'album, vous dites « Ok, d'accord, c'est donc sur ça qu'on va ». Un 7 titres pour 42 minutes, des morceaux longs, généreux, et voilà, Tomb Mold à découvrir d'urgence si vous ne connaissez pas encore. C'est sorti il y a 3 semaines, sans trop de surprise, une sortie qualitative de plus, signée 20 Buckspin Records. The Enduring Spirit, c'est le nom de leur nouvel album studio. On s'écoutera le morceau Angelic Fabrication. Et ensuite, les Québécois de Misere Lumini, le groupe de Black Atmo, qu'on avait eu à Tours juste avant Covid. Je crois que c'est le concert a eu lieu une semaine avant le premier confinement, une connerie du genre. Ils nous sortent là leur second effort studio, intitulé Ordali. Au niveau du line-up de Misere Lumini, pas trop de surprise, c'est la consanguinité de la scène black canadienne, des membres de Gris, Sombre Forêt, etc. A noter que ce second effort studio voit le jour 15 ans après le premier. Misere Lumini était sorti en 2009, Ordali sort en 2023. C'est déjà dispo et on s'écoute le morceau Le Sang des Rêves. Et juste avant ça, Tomb Mold. dernière doublette pour ce soir avant de s'écouter un tout dernier titre de clôture, Fossilization, Leprous Delight, l'extrait, voilà, c'est le nom du nouvel album du groupe de Death Doom Death qui nous vient du Brésil, premier véritable album studio longue durée, donc Leprous Delight, une sortie sur le label Everlasting Pew Records. Fossilization, c'est très hypnotique comme Death Doom. On s'écouterait le morceau Once Was God, Power of Fear, ensuite extrait d'album Breed Apart. Power of Fear, ça nous vient de Pittsburgh, c'est du hardcore qui déboîte. Une sortie Triple B, Days Records, pardon, c'est pas Triple B, c'est Days Records. On s'écouterait le morceau All Alone et Power of Fear, ça tabasse sec. Et on se clôture cette petite émission Zéro Tendresse, Zéro Délicatesse avec un extrait du dernier album de Crepitation, le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient d'Angleterre. Monstrous Eruption, Affim Pietus, Prepo Sterosity. Petit All-Starman hein, dans Crepitation. Enfin, les mecs naviguent également du côté d'autres formations slam anglaises, hein, Coploclesis, Amputated, etc. Crepitation, c'est la formation la plus fun, drôle, lourdingue, on va dire, de ce trio. Crepitation, une sortie Vicious Instinct Records, et on s'écoute le morceau Vicious Entwerting of Obstinate Necroptysics Shit Houses. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. À très bientôt, ciao ciao.